merde, putain, faut que je cale dessus. Ouais, c'est pas facile. Il faut que je le cale. Merde, comment on fait pour synchroniser? Alors, on peut pas caler, putain, fais chier. Je cherche une astuce. Faut être très patient, en fait. Il faut être très patient, monsieur Bassman. J'ai pas intérêt à me rater pour le départ. J'ai pas intérêt à me rater. Oula, c'est pas bien carré. Presque. Comes a bitch. It's very hard to play more of 64 measures. Putain, comment je peux synchroniser en faisant du 40? Si je mets 40, hein, ça va pas aller assez vite, putain. C'est dommage qu'on ne peut pas tricher. Okay, do you know this song, Mr. Bassman? Is there no way? Oh. Ouais, pas ça. Salut, Jam Tabar. Yo, yo. On va la refaire. I restart. Synchronized, but you must to mute metronome if you want to follow me. Okay? Okay? Are you ready? Are you ready to play Super Tramp? Ah, y a plus rien là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde, il faut que j'enregistre en fait. Ah, j'appuie sur. C'est pas facile de trouver. Attends, on est sur 34. Ah ouais, j'ai compris pourquoi. Putain. Pourquoi j'ai plus de son là sur le ordinateur? Alors que je le remplace. Remote. FX. Et ouais, c'est une démon. Facile à caler, hein. I'm sorry, yes I hear you, sip, no, je vais essayer de le caler, salut Chris, salut yo, j'essaie de l'enregistrer mais putain c'est dur de tomber pile poil sur 34, j'arrive pas à synchroniser. Ok. Les accords, je sais pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. You can look for... Attends. Take a long way home, attends. Je sais pas moi, on va là. Là, tac. Voilà. Ah, just a minute. Tac, voilà.